بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنشرع اليوم في سورة جديدة On commence aujourd'hui une nouvelle sourate, sourate الضحى وهي سورة مكية C'est une sourate qui a été révélée durant la période mécoise أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن جبريل أبطأ عن الوحي فقالت امرأة يا محمد ما أرى إلا أن شيطانك قد تركك البخاري et مسلم ils ont cité dans leur recueil الصحيحين que جبريل s'est absenté quelque temps. La révélation s'est estompée quelque temps. Alors une femme, elle a dit, « Oh Mohammed, je pense que ce qui arrive, ce n'est que le fait que ton shaitan t'ait délaissé. Que le fait que ton diable t'ait délaissé. » فأرادت أن تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. Elle voulait se moquer du prophète صلى الله عليه وسلم, comme on l'a vu dans les cours de Sirah. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله. Alors Allah تبارك وتعالى a fait descendre sa parole. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى par Ad-Duha. Et par la nuit, lorsqu'elle recouvre tout, ton Seigneur ne t'a pas délaissé et ne t'a pas détesté. Wal-akhiratu khayrun laka min al-ula. Et certes, l'au-delà, certes, la dernière vie est meilleure pour toi que la première. فالله تبارك وتعالى أقسم بالضحى الذي هو أول النهار حيث ينتشر نوره ويغشى الأرض. Donc Allah تبارك وتعالى il a juré par الضحى, le temps, le moment الضحى qui est le début de la journée, le moment durant lequel la lumière se propage et couvre la terre. وأقسم بالليل حيث ينتشر ظلامه. Et il a aussi donc juré par la nuit, ce moment durant lequel son obscurité se propage. ويغطي الأرض. Et cette obscurité qui va couvrir la terre. فأقسم تعالى بشيئين متباينين ليدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم وليبين صدقه من كذب من اتهمه فالصدق والكذب أمران متضادان كما أن النور والظلام أمران متضادان والهدى والضلال أمران متضادان. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a juré par deux choses qui sont contraires. Pour défendre son prophète sallallahu alayhi wa sallam et montrer son caractère véridique, sa véracité, et la distinguer du mensonge de ceux qui l'ont accusé. Certes, la vérité et le mensonge sont deux choses contraires, de la même façon que la lumière et l'obscurité sont deux choses contraires, de la même façon que la guidée et l'égarement sont deux choses contraires. Allah tabaraka wa ta'ala alors dit, « Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. » Ton Seigneur ne t'a pas délaissé, et il ne t'a pas détesté. فَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَتْرُكْ نَبِيَّهُ Et donc Allah Ta'ala n'a pas délaissé son prophète, comme il l'a dit, Tabaraka wa Ta'ala, Fasbir fa innaka bi a'yunina. Certes, nous veillons sur toi. Fallahu yahfadhu, Allah le protège. Wa yanbaghi lil muslim an yakuna hadha al-i'tiqad huwa i'tiqaduhu. Il est important que cette croyance soit la croyance du musulman. An Allah la yatruku al-mu'minin, le fait que Allah ne délaisse pas les croyants. Il est important, mes frères, d'avoir cette croyance. فَهُوَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ يَنْصُرُهُمْ. Allah est l'allié des croyants, il les secourt. وَقَدْ يَبْتَلِيهِمْ لَكِنَّهُ تَعَالَى لَا يَتْرُكُهُمْ. Il se peut que Allah éprouve ses croyants, ses serviteurs, mais il ne les délaisse pas. وَإِنَّمَا يَتْرُكُ اللَّهُ مَنْ يَتْرُكُهُ. Certes, Allah délaisse ceux qui le délaissent. Comme il l'a dit, Tabaraka wa Ta'ala, Nasullaha fe nasiyehum. Ici, nasiyeh, ce n'est pas oublié. Ils ont délaissé Allah, alors ils l'ont délaissé. Ils ont délaissé Allah, alors il les a délaissés. Il les a délaissés. Lihada najzimu. أن ما ذكر عن عيسى عليه السلام في الأناجيل أنه قال وهو على الصليب ربي ربي لما تركتني هذا لا يمكن زيادة على أن الله تعالى أنكر صلب عيسى فكتاب النصارى كتاب محرف لا يعتمد عليه. Et c'est pour cela que nous affirmons avec certitude que ce qui a été cité de Isa, de Jésus alayhi salam, dans les évangiles, stipulant qu'il était sur la croix et qu'il a crié au Seigneur, pourquoi m'as-tu délaissé? Nous affirmons que cela n'est pas possible, cela est faux. En plus du fait que Allah tabaraka wa ta'ala a rejeté le fait que Isa fut crucifié. Le livre des chrétiens est un livre qui a été modifié. Il n'est pas donc un livre fiable sur lequel on peut se baser. Wallahu tabaraka wa ta'ala lam yubrid nabiyahu bel lam yazal yuhibbuhu wa ja'ala mutaba'ata nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam sababan limahabbatihi. Et Allah n'a pas détesté son prophète, mais il n'a cessé de l'aimer. Et il a fait que le fait de suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam soit une cause pour atteindre son amour à lui. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dites, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez-moi et alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans cette sourate Ad-Duha, il dit وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Et certes, la dernière vie est meilleure pour toi que la première. فَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. لِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَزْهَدَ النَّاسِ عَنْ هَذِهِ الدُّنْيَا. L'au-delà est meilleur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour les croyants. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui se passait le plus de ce bas monde. Il délaissait le bas monde, la dunya. L'idée akhraj al-Bukhari wa muslimun fi sahihayhima. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akol. إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عنده فاختر ما عنده. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, Allah lui a donné le choix entre le fait de vivre jusqu'à ce que Allah veuille et entre le fait d'atteindre ce qui est auprès d'Allah et donc de mourir pour retourner auprès d'Allah. Alors il a choisi le fait de retourner auprès d'Allah. فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَتَعَجَّبَتِ النَّاسُ مِنْ بُكَائِهِ كَيْفَ يَبْكِي هَذَا. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu cette parole, il a pleuré. Et les gens furent surpris. Comment se fait-il qu'il pleure? Pourquoi il pleure? Que se passe-t-il? لكن أبا بكر رضي الله عنه كان أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. Cependant, Abu Bakr رضي الله عنه, il était le plus savant, le plus connaisseur du prophète صلى الله عليه وسلم. فعلم أن المخير هو الرسول sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abu Bakr radiallahu anhu, il a su que celui qui a eu le choix, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a eu le choix et il a choisi de retourner auprès de son Seigneur. C'était donc une annonce de la mort prochaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fata'ammalu ayyuha al-muslimun, خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والخلد في الدنيا. Le prophète صلى الله عليه وسلم, on lui a donné le choix entre la mort et une très longue vie ici-bas. Alors فَفَضَّلَ الْمَوْتِ, il a choisi la mort. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ, il a choisi la mort et ce qu'il y a auprès d'Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَالنَّاسُ الْيَوْمِ لَا يَفْهَمُونَ أَنَّ الدُّنْيَا لَا تَسْتَحِقُ أَن تُسْعَى إِلَيْهَا. Et les gens aujourd'hui, ils ne comprennent pas que la dunya, elle ne mérite pas qu'on se fatigue et qu'on s'efforce pour elle. Elle ne mérite pas. Pourquoi s'efforcer autant pour cette dunya? Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et ton Seigneur va certes te donner de ses faveurs afin que tu sois satisfait. كيف يقال إن الله ترك نبيه وقد وعده النعيم الكثير في الدنيا والآخرة؟ Comment pouvons-nous dire que Allah tabaraka wa ta'ala a délaissé son prophète alors qu'il lui a promis de nombreux bienfaits Il lui a promis de nombreux bienfaits ici-bas et dans l'au-delà. ثم ذكر الله تعالى ما أنعم به على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. Ensuite, Allah تبارك وتعالى a cité certains éléments, certains bienfaits, certains de ces bienfaits qu'il a accordés au prophète صلى الله عليه وسلم ici-bas. Il a alors dit: تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Et ne t'a-t-il pas trouvé perdu? Alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre? Alors il t'a enrichi. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما مات أبوه قبل ولادته وماتت أمه وهو رضيع. Le prophète صلى الله عليه وسلم était orphelin. Son père il est mort avant sa naissance. Sa mère elle est morte alors qu'il allaitait. فأواه الله تعالى وأوى به المؤمنين. Alors Allah l'a accueilli et par sa cause Allah accueillit les croyants. ينصرهم, il les secourt. فلا تخافوا أيها المؤمنون. Alors n'ayez pas peur, ô croyants, n'ayez pas peur. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الشرائع السابقة. ولا يعرف قصص الأنبياء السابقين فهداه الله تعالى وهدى به المؤمنين. Et Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas les législations précédentes, il ne connaissait pas les histoires des prophètes précédents. Alors Allah l'a guidé. Et par sa cause, il a guidé les prophètes. Par sa cause, il a guidé les croyants. Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha min dala'il al-Qur'an. Lianna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lam yakun ya'rif shay'an 'an al-anbiya' as-sabiqin wa lam ya'rif al-qira'ah fa yaqra' min kutub ahli al-kitab. Fa hadha alladhi ja'a bihi جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et ça, cela, oh mes frères, fait partie des signes qui montrent que le Coran est la parole d'Allah. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas les législations précédentes. Il ne connaissait pas les histoires des prophètes avant lui. Et il ne pouvait pas lire dans les livres des gens du livre. Et malgré cela, toutes ces informations qu'il a rapportées, et donc cela ne peut provenir que d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wa kana faqiran, fa'arnahu Allahu ta'ala. Et il était pauvre, Allah l'a enrichi. Fala takhafu min al-faqr, ayyuha al-mu'minun. N'ayez donc pas peur de la pauvreté, ô croyants. Fa'inna rizqa biyadillah. Certes, la subsistance est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, Allah, tabaraka wa ta'ala, qui dit, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. En ce qui concerne l'orphelin, alors, ne te comporte pas mal avec lui. N'agis pas mal avec lui. Et en ce qui concerne celui qui demande, alors ne le repousse pas. وَهَذَا يَدُلُّكُمْ عَلَى حُسْنِ هَذِي الشَّرِيعَةِ الَّتِي تَحُثُّ النَّاسَ عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَى الضُّعَفَاءِ وَمِنْهُمُ الْيَتَامَى. Et cela nous montre la bonté de cette législation, contrairement à ce que certains veulent dire. Contrairement à ce que certains disent, excusez-moi. Cela nous montre la bonté de cette législation et que cette législation, elle appelle à bien agir et à bien se comporter envers les faibles, avec les faibles. Et parmi eux, il y a les orphelins. Wa amma sa'il. فَقَدْ يَكُونُ سَئِلًا عَنْ عِلْمٍ فَلَا تَنْهَرْهُ فَلَا يَجُوزُ كِتْمَنُ الْعِلْمِ. Et en ce qui concerne celui qui demande, alors il se peut qu'il demande concernant de la science, il veut savoir la vérité. Alors ne le repousse pas, il n'est pas permis de cacher la science. وَقَدْ يَسْأَلُ عَنْ مَالٍ فَلَا تَنْهَرْهُ. Et il se peut qu'il demande de l'argent, car il en a besoin. Alors ne le repousse pas. إلا إن كان سيء القصد fi su'alihi 'anil 'ilmi aw il mal. Sauf si cette personne elle a une mauvaise intention lorsqu'elle demande, lorsqu'elle interroge concernant la science ou concernant l'argent. Mais se peut qu'une personne pose des questions pour faire des fitnas. Hein? Ah, qu'est-ce que tu penses de un tel, etc., etc. Pour faire des fitnas entre les prédicateurs ou autres. Et donc celui-là, oui, il faut le repousser. Ou celui qui demande de l'argent pour s'enrichir, il en a déjà, mais il veut s'enrichir. Alors celui-là, oui, il faut le repousser. ثم ختم الله تعالى هذه السورة. Ensuite Allah il a donc terminé cette sourate en disant وأما بنعمت ربك فحدث. Et en ce qui concerne les bienfaits de ton Seigneur, alors parle-en. فشكر النعمة يكون بأمور. Le fait de remercier Allah تبارك وتعالى concernant les bienfaits qu'il nous a accordés, cela se fait par plusieurs moyens. Premièrement, الاعتراف بها وأن الله تعالى هو الذي أنعم على العبد بها. Premièrement, le fait de reconnaître ce bienfait que Allah t'a accordé. Ne dis pas, comme certains disent, ah, je suis moche, ah, j'ai ci, ah, je suis pauvre, ah, tout le bienfait que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé, il rejette. Il rejette les bienfaits que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Et donc reconnais les bienfaits qu'il t'a accordé tabaraka wa ta'ala et reconnais le fait que ces bienfaits viennent d'Allah. Ce n'est pas par ta force que tu as de l'argent ou autre. ثم استعملها في رضا الله تعالى. Ensuite, tu dois utiliser ces bienfaits qu'Allah t'a accordés dans l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. N'utilise pas le physique que Allah t'a donné dans sa désobéissance. N'utilise pas la science que Allah t'a donné dans sa désobéissance. N'utilise pas l'argent que Allah t'a donné dans sa désobéissance. Ainsi de suite. ثم التحدث بها كما في هذه الآية. Et ensuite, le fait de parler des bienfaits qu'Allah t'a accordés, comme on l'a dans ce verset. Alhamdulillah, Allah m'a accordé de ses bienfaits. Il m'a accordé ceci et cela. Alhamdulillah, Allah il m'a accordé des enfants pieux. Alhamdulillah, Allah ta'ala m'a accordé une épouse pieuse, etc. Alhamdulillah, Allah m'a accordé une science profitable. Alhamdulillah. Mais tu dis cela pourquoi? Ce n'est pas pour te vanter. Ce n'est pas pour te vanter. C'est pour remercier les bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordés. Et voilà comment on a terminé. Donc l'exégèse de cette sourate, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.